l'énergie dans la salle ce soir, ça flacote. Il annonce un orage, hein? J'ai remarqué ça à la maison, moi aussi, avant de partir. Là. Ouais, au-dessus de l'Arabie, ça vous dit. Ok. Ah, mais on va en avoir de l'influence. Les journées où les enfants crient plus fort que d'habitude, puis que la télévision monte le volume en même temps que... Les enfants, ils disent que c'est à cause que les parents crient plus fort. Ça se peut. Les parents, ils disent que c'est à cause que les enfants crient ça plus fort. Ça se peut. On avait raison, tout le monde. Parce qu'on a pressenti qu'il y avait un orage. Le titre de la conférence de ce soir, c'est « Ma première rencontre avec Dieu ». Parle-nous-en. Ah, pas moi. Moi, c'est bon aussi. Ça, c'est ta première rencontre avec Dieu. Moi, j'ai bien des questions là-dessus. Oui. Premièrement, j'ai bien des réponses. Est-ce que c'était une femme? J'ai passé la semaine à préparer mes réponses. J'espère que ça va concorder avec tes questions. On aurait dû parler. Ils ont peut-être aboli bien des rumeurs. Est-ce que Dieu, c'est une femme? En tout cas, j'ai déjà dit Dieu est noir. Ah, tu vois, tant qu'au pire. Sa peau est noire. Pas matraqué. Comment on rencontre Dieu? Parce que c'est pas n'importe qui a ce privilège-là, théoriquement, d'après les écrits, en tout cas. On est supposé rencontrer Dieu seulement. Écrits par des gardiens. Alors, ils ont écrit que personne ne peut rencontrer Dieu. Comme ça, ça. C'était une protection parce qu'ils ne voulaient pas que les gens rencontrent Dieu? Ben, premièrement, parce qu'ils voulaient garder le monopole des rencontres. Toutes les religions interdisent carrément à leurs fidèles de rencontrer Dieu. On doit nécessairement passer par un prêtre. Est-ce qu'un prêtre prétend être en communion totale avec Dieu? Ça dépend des religions. Il y a des religions qui autorisent que leur prêtre puisse être en contact avec Dieu. Il y a d'autres religions qui non, il faut que le prêtre soit en contact d'une façon plutôt particulière. Parce que le prêtre peut intercéder au nom de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il est en contact avec Dieu ou qu'il a rencontré Dieu. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les contacts divins, comme est-ce que dans les religions, je prends l'exemple de la religion catholique, est-ce que le pape a un contact meilleur que les archevêques, meilleur que les évêques, meilleur que les prêtres? Le pape est théoriquement en contact direct avec un Dieu, alors que les cardinaux sont en contact avec Dieu par l'intermédiaire du pape. Et ça descend comme ça jusqu'au fidèle qui est en contact par l'intermédiaire du prêtre, qui va être en contact plus puissamment par l'intermédiaire de l'évêque, de l'archevêque, etc. C'est pas dangereux qu'on soit foudroyé quand on est dans la troisième section des... En tout cas, non. Normalement, c'est très hiérarchisé. Fait que quand un soldat trahit, on t'approche un peu sur ses supérieurs. Fait que normalement, si tu maudis Dieu, il devrait avoir un prêtre qui va être foudroyé quelque part. C'est pas dangereux. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les contacts supramentaux? Il y a aussi une hiérarchie dans les intercesseurs de Dieu. Il y a une hiérarchie dans les divinités, il y a une hiérarchie aussi dans les religions. Il y a des religions qui sont supérieures à d'autres et nécessairement il y a des hiérarchies dans le mot Dieu. Dans quel sens? Que veut dire Dieu? Alors il y a, par exemple, dans la religion catholique, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? On va parler d'Allah, on va parler de Mahomet, on va parler qui, pour certains, est un Dieu. On va parler de Jésus, qui, pour certains, est un Dieu. On va parler de plusieurs autres phénomènes divins. Et il y a aussi une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les dieux qui ont été créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Il y a les dieux qui ont été créés par la femme à l'image et la ressemblance de la femme, ce sont des déesses. Il y a des dieux qui sont créés par les mécaniques des divinités. Donc, les dieux religieux se sont créés un dieu. Et après ça, il y a tous les concepts philosophiques que l'on peut juxtaposer avec le mot « Dieu ». C'est-à-dire que Dieu, pour certains, peut désigner le créateur. Bon, maintenant encore là, le créateur, est-ce que c'est le créateur d'un laboratoire? Est-ce que c'est le créateur de la terre et du ciel? Est-ce que c'est le créateur du créateur? Est-ce que c'est le créateur du créateur du créateur? Est-ce que c'est le phénomène qui engendre la création au complet, ça veut dire toutes les galaxies, tous les super-univers, ces choses-là? Donc, même dans le phénomène divin, dans le mot Dieu, il y a déjà plusieurs choses. Est-ce que Père dans les cieux, c'est supérieur à Dieu dans le ciel? Oui, Père dans les cieux, c'est un... lorsque l'on s'adresse à son Père, on s'adresse à une hiérarchie qui est de beaucoup supérieure à ce que les prêtres, normalement, vont avoir accès. Sauf que certains papes se sont adressés directement à leur Père, donc au Père, alors que certains autres papes s'adressaient eux aussi à Dieu comme le prêtre le faisait. Mais au niveau de la hiérarchie, quelqu'un qui s'adresse ou qui rencontre une mécanique qui, dans sa tête ou dans son cœur, vibre comme étant son père, il vibre donc avec une mécanique qui a été capable de le créer, non pas au niveau de l'âme, mais au niveau de l'absolu. C'est-à-dire qu'il va vibrer avec une mécanique qui, lui, l'homme, ou la femme ou l'enfant qui rentre en contact avec ce qu'il pourrait appeler mon père, vibre avec une énergie qu'il sent l'avoir créé du point de vue atomique, du point de vue vital, du point de vue astral, du point de vue mental, et qui sent le nourrir du point de vue supramental, le guider du point de vue bouddhique, et la mener dans un plan au niveau de l'intentionnalité qui fait partie d'une évolution ascensionnelle absolue. Alors que l'être humain qui normalement prie un Dieu dans le ciel, va prier dans le... il va avoir l'impression d'avoir été créé par ce Père-là, par ce Dieu-là, ou d'être protégé par ce Dieu-là, même s'il n'a pas la vibration d'avoir été créé par lui. Et c'est uniquement dans son âme qu'il se sent protégé ou qu'il se sent avoir été créé. L'individu qui parle ou qui rentre en contact avec une mécanique plus puissante du point de vue de la vibration, qu'il peut appeler mon Père. Le Nazaréen, c'est le premier à avoir appelé une divinité mon Père. C'est comme s'il avait rabaissé le Dieu au niveau d'un Père. Et parce qu'il parlait du Père dans les cieux, il l'avait donc remonté au-delà même du Dieu dans le ciel. Quand on parle à une mécanique comme celle-là, avec une vibration, et non pas avec une intention, avec une perception vibratoire du fait qu'on s'adresse à une énergie qui semble avoir créé le corps de l'homme, le corps vital, donc la vie, le corps astral, donc l'âme, donc nécessairement le monde de la mort, donc nécessairement le ciel, donc nécessairement permis la création des divinités dans le ciel, donc de Yahvé, d'Allah et des autres, il a l'impression d'entrer en contact avec une vibration, voilà, quand ça veut parler 4-5, c'est bien compliqué. Prenez un numéro. Mais pas si fort, là, parce que... Alors, il veut me faire dire des choses. Là. Alors, quand on entre en contact avec une mécanique qui semble même avoir créé ou avoir permis ou avoir contrôlé la structure mentale, et finalement même la structure supramentale qu'on appelle l'Esprit-Saint, là, on est en contact avec une énergie qui était très près de celle que le Nazaréen rejoignait. Est-ce qu'il y a un Père dans les cieux? Ou si, comme tu as déjà mentionné dans des conférences antérieures, qu'il y avait, on pouvait être lié à 12 ou 13 faisceaux d'énergie différents. Il y a un faisceau nazaréen ou supramental, et un autre faisceau, ça descendait comme ça. Oui. Ou pas ça descendait, mais ça variait donc, en énergie. Est-ce qu'il y a un père à chaque faisceau d'énergie, ou s'il y a un père qui englobe les 12 ou les 13 faisceaux? Bon, premièrement, il faut comprendre que quand on parle de Dieu ou quand on parle de père, on parle nécessairement de la... du contact avec une énergie massive qui peut s'exprimer sous différentes longueurs d'onde, donc sous différentes couleurs ou sous différents faisceaux, sous différentes vibrations. Et quand on parle de Dieu ou quand on parle du Père, on parle nécessairement d'une vision conceptuelle, donc d'un concept qui permet à la conscience de celui qui vit le contact de canaliser ses énergies vers une seule source. Alors, quand on parle de l'homme absolu, nécessairement, ça inclut la femme et l'enfant, quand on parle de l'homme absolu, de l'être absolu, on aura nécessairement un faisceau qui va lui permettre de relier son corps physique à une forme particulière qui va entretenir la forme du corps physique. Il y aura nécessairement un faisceau au niveau du plan vital, au niveau du plan astral, au niveau du plan mental, etc. Quand l'homme, rendu à un niveau de contact avec Dieu, mais pas les dieux créés par l'humain, évidemment, quand l'humain entre en contact avec une énergie qui a participé ou qui était totalement présente lors de la création de l'univers, de la création, pour être plus précis, donc des super-univers, l'être humain entre en contact dans l'absolu avec tous les faisceaux en même temps. Alors, c'est un peu comme si tu disais, par exemple, que le Père, le faisceau violet part de la tête, le faisceau bleu part du centre laryngé, le faisceau rouge, par exemple, part d'un autre centre. Alors, dépendamment avec quoi l'humain entre en contact, il va être en contact avec un faisceau particulier, donc il va développer chez lui des caractéristiques particulières. Lorsque l'être humain arrive à entrer en contact avec un Dieu au-delà, donc, du monde astral, donc dans les cieux, Normalement, il entre en contact avec plusieurs faisceaux en même temps, sinon la totalité des faisceaux, s'il entre en contact avec la divinité absolue. Maintenant, encore une fois, quand on parle de Dieu, on parle de concept, c'est-à-dire que l'être humain, dans sa cérébralité quadridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est simplement limité par le temps et l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur, il essaie de comprendre Dieu et il ne peut pas comprendre cela. Pourquoi? Parce que ces 11 dimensions qui sont supportées par 2 structures dimensionnelles et dans notre continuum, les 11 dimensions sont comprimées dans 4 dimensions. Alors, l'être humain doit essayer d'englober une mécanique qui échappe totalement à la structure cérébrale qui l'habite, et il essaie de vivre un contact, de se nourrir de ça. C'est totalement abstrait par rapport à... Alors, c'est ça. Donc, on va créer un concept. Le concept, c'est extrêmement un concept philosophique ou théologique, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le concept, c'est une boîte quadridimensionnelle, donc qui a le temps, donc elle vit avec nous autres. Et même si le temps, on l'appelle, disons, éternité, ça reste un continuum temporel. Et ça nous permet aussi d'avoir une vision dans, par exemple, l'étendue de Dieu, qui pourrait être sa longueur, la grandeur de Dieu, qui est sa hauteur. Si on est capable de comprendre, donc de placer dans une mécanique à 4 dimensions, une vision particulière. Sauf que le concept philosophique ou théologique d'une divinité, mais l'avantage que ça a, c'est que même si on dirait Dieu, c'est un personnage, par exemple, on sait qu'il a l'omniscience, qu'il sait tout. Et ça, ça échappe déjà au concept quadridimensionnel. Et là, on va dire, ce concept quadridimensionnel, Dieu, il est omnipotent, il peut tout. Et s'il peut tout, ça veut dire que ça échappe encore au contexte quadridimensionnel, parce qu'on posera la question à Dieu... Dieu, peux-tu créer quelque chose de tellement pesant que tu ne pourrais pas le lever? Si Dieu peut tout, il va créer la chose. Et là, on dit à Dieu, maintenant, lève-la. Mais si Dieu peut tout, il va la lever. Mais s'il la lève, il n'a pas été capable de la créer, la chose plus pesante que sa force. Puis s'il l'a créé, il ne peut pas la lever. Donc, dans l'expression quadridimensionnelle de l'omnipotence, tu te rends compte que c'est illogique. En fait, tu n'as pas posé des questions de même. Quand non, tu j'ai été plus diplomate. Tu t'es ajusté. Oh, oui, c'est ça, je me suis ajusté. Effectivement. Mais tu vois l'idée. Ça doit être décevant pour un dieu de recevoir un fils comme ça. De recevoir un intérieur. Je pensais que je les avais faites toutes parfaites. Poser des questions tellement idiotes. Mais n'empêche que le concept devient limité, hein? On vient de voir la limitation du concept de l'omnipotence, sauf que la vibration, la perception vibratoire nous permet de considérer que tout ça se peut en même temps. Puis on n'a pas d'idée non plus de ce que c'est tout. Quand on dit « il peut tout, il est partout », mais c'est assez difficile d'imaginer ce que tout peut être. Parce c'est ça, et c'est l'avantage du concept. Ça nous permet de visionner ou d'accepter dans notre conscience une mécanique créationnelle, divine par exemple, tout en ne la limitant pas par le concept. Bon, donc le concept a un intérêt, il nous permet d'entrer en contact avec quelque chose, même si on ne voit pas tout. Au moins, on a une longueur d'onde. Mon premier contact avec Dieu, ça s'est fait il y a juste là... Quelques milliers d'années. Exact. Je ne voulais pas le dire, mais enfin... Tu sais, à ce soir, il veut parler par ma bouche, pour ça, des fois, ça bafouille. Attends, d'un coup que je laisse sortir des choses que tu veux pas dire? Non, laisse faire. Tu vas aller à faire fidèle. Hein? Je penserai plus. OK. Donc, ça s'est fait il y a un certain temps? Ça s'est fait quand? Voilà, il y a un certain temps. On va parler, ça dépend de tes questions. Tu veux que je parle dans cette vie-ci, on va commencer par ici, puis on reculera après. Bon, je vais être bon pour étirer dans cette vie-ci, jusqu'à la fin de la conférence. C'est ce que tu penses. Le premier contact avec Dieu dans cette vie-ci, est-ce que ça se fait à partir d'un âge, c'est dans ton cas, est-ce que ça s'est fait à partir d'un âge où tu avais conscience de l'existence d'un Dieu, ou est-ce que ça se fait dans le jeune âge, en dehors bon, de la premièrement, religion? Premièrement, toutes les conférences qu'on a faites sur ma première rencontre avec, etc., on les fait uniquement pour que les personnes puissent avoir une idée de comment ça peut se faire, un cheminement particulier. Or, je parle de moi uniquement parce que j'ai mes intérêts à réussir à dire des choses de moi-même à mon ego. Donc, en conférence, ça devient intéressant. Mais c'est utile parce que ça peut permettre aux personnes qui vivent certaines choses de comprendre que ce qu'ils vivent là, c'est probablement quelque chose qui ressemble à etc. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que je ne m'attendais à rien. Donc, ne m'attendant à rien, je n'ai jamais fui ce que je trouvais. Ouais, quand tu as reçu d'avance l'instruction ou un exemple de ce que ça pourrait c'est ça. Être, c'est difficile d'imaginer d'avance. Oui. Alors, quand tu t'attends à rencontrer un Dieu puis tu as déjà une idée de Dieu, ben, y a des fortes chances que tu ne le rencontres jamais. Et la journée que tu vas rencontrer une vraie divinité, tu ne la verras pas de toute façon. Parce qu'on ne pourra pas l'apercevoir ou parce qu'on va la refuser? Regarde, il y a une partie dans l'Apocalypse de Jean qui dit, non, c'est Luc qui en parle, c'est le Nazaréen qui leur en avait parlé un peu avant. Un jour, je reviendrai, comme les personnes s'y en attendent pas, etc. Et là, je viendrai dans vos familles et je vérifierai si vous avez été correct. Alors, je viens chez quelqu'un et je lui dis, non, toi, je ne peux pas t'amener, tu n'es pas un élu. Et la personne criera, pourquoi? Parce que chaque fois que je suis venu te voir et que j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Chaque fois que j'avais soif et que je t'ai rencontré, tu ne m'as rien donné à boire. Et chaque fois que j'avais froid et qu'on s'est rencontré, tu ne m'as pas vêtu. Alors la personne a répondu, ben voyons donc, Krim, si je t'aurais vu et que tu aurais eu soif, je t'aurais fait boire. Voyons donc, un fou d'une poche, si je t'aurais vu et que tu aurais faim, je t'aurais donné à manger. T'es jamais venu. Puis l'autre, le Nazaréen, répond, ben écoute, chaque fois que tu as rencontré quelqu'un qui avait soif et que tu n'as rien donné, c'est à moi que tu ne donnais pas. Quelqu'un qui cherche Dieu, là, peut chercher longtemps à tabarouette, puis il ne trouvera jamais. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à le pousser, à le piler dessus, à cracher au visage de Dieu, puis là, il cherche une divinité qui est superbe, qui est à la hauteur de son snobisme spirituel. Parce que Dieu est théoriquement dans tous les êtres humains. Ben, est-ce s'il que est partout, c'est théoriquement, faut que c'est partout. Ouais. Et, bon. Mais est-ce que si on le refuse totalement, est-ce qu'un être humain qui est capable de refuser totalement l'existence d'un Dieu, est-ce qu'il peut être sans aucun contact divin? Bon, ce que les gens doivent comprendre, toi aussi, c'est extrêmement intéressant, utile et important de faire une démarche ascensionnelle au niveau de la tête. Mais à un moment donné, c'est absolument et implicitement essentiel que l'humain puisse parvenir, non pas à abandonner la tête, mais à étendre le cheminement mental au contact supramental, au contact astral, vital et physique. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'humain doit vivre par l'initiation, donc par le comportement, c'est-à-dire par, pas nécessairement l'expérience. Pour l'ego, ça sera une expérience, mais en réalité, c'est par la terrestrification de son savoir. On appellera ça l'initiation solaire. Ça veut dire que l'être humain doit, à un moment donné, être dans l'absolu de ce qu'il est, en confrontation avec une idée qui, au départ, avait germé dans le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, bon, un jour, bon, « Oh, Dieu, je ne crois pas à ça, moi, je le refuse. » C'est merveilleux, mais ça ne se passe pas au niveau de l'être. Ça se passe uniquement au niveau d'une partie de l'être, au niveau du mental ou de l'intellect, si le mental n'est pas assez développé. Ça va enclencher un processus de ça n'enclenchera rien chez la majorité des personnes. Alors, il doit y avoir un enclenchement de processus où l'humain, à un moment donné, va se ramasser, par exemple, dans un incendie, entouré de feu, ça brûle, et puis est en train d'étouffer. Et puis là, elle dit encore, « Dieu, je t'appelle pas, je crois pas à lui. » Bon. Alors, c'est là, elle est en train de vivre dans l'expérience et elle est en train de terrestrifier quelque chose qui se développe au niveau du mental. Mais ce qui va arriver souvent, c'est que les personnes, quand il fait clair et qu'ils sont bien réchauffés, ils ont bien mangé, sont prêts à maudire des divinités. Quand ils sont perdus tout seuls quelque part du milieu de la nuit dans la pleine forêt ou sous le bord d'un chemin, où ils entendent des bruits bizarres, là, ils recherchent Dieu. C'est l'approche pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mental est impuissant ou insuffisamment énergisé pour être présent, l'ego a toujours recherché Dieu. Ça, c'est une problématique dans l'évolution où la tête a réglé des choses, puis où le reste des structures de l'humain n'a rien réglé. Alors, à un moment donné, la tête décide de dire, « Bon, ben moi, je veux cesser d'être nerveux ou d'être nerveuse. » Puis en dedans, ça continue toujours à être nerveux et à être nerveuse. À un point tel qu'à un moment donné, le mental peut finir par développer des mécaniques où il ne verra plus la nervosité, puis quelqu'un de sensé va encore voir la nervosité parce que la personne continue encore à se détruire à travers sa vie. Donc, l'initiation devient drôlement importante lorsque l'humain est rendu à un point où mentalement, il a à peu près structuré toute sa structure de base de fusion, d'ascension ou de désassujettissement des manipulations planétaires, et maintenant de passer une initiation pour être capable de prendre ce qui s'est réglé ici, puis maintenant l'établir réellement dans l'être humain, au niveau absolu. Donc, au niveau supramental, qui à l'époque, ou qui présentement pour plusieurs, n'est qu'une saveur, et au niveau astral, et pas au niveau de l'ego, l'ego doit être égoïsé, mais au niveau astral, au niveau vital, au niveau physique. Quelqu'un qui dit, par exemple, moi je suis convaincu que nous sommes des divinités, que nous sommes des dieux, bien cette personne-là doit être capable immédiatement, en plein été, pas de glace, de marcher sur les eaux. Si elle n'est pas capable, c'est que sa conscientisation ou sa vision est bloquée quelque part au niveau du mental, alors qu'au niveau de l'ego, chaque personne ici se croit un tas de boîtes. Bon, alors il y a donc des mécaniques que l'initiation va amener. Quand on rencontre une divinité ou quand on rencontre Dieu du point de vue, disons, du créativeur, il faut que ce se fasse non pas dans la tête, mais c'est une expérience qui se vit dans la globalité de l'humain. Là, on pourra dire « j'ai rencontré ». Mais ça se fait comment dans le je veux pas que tu me racontes une expérience de 5 minutes, mais je veux dire, ça se fait comment sur un cheminement de par étapes? Faut l'anégoïsation en premier lieu, l'initiation, ou quoi? Comment tu arrives à ça? T'arrives pas à ça. Ça arrive. Ça t'arrive. C'est ça, ça arrive. Ouais. Ça arrive. C'est pas quelque chose qu'on peut rechercher. Oui, on peut rechercher ça. On le trouvera pas sans le rechercher. Ah non, si on le recherche, on le trouvera pas. Et c'est les grosses problématiques, parce que ce qui va arriver, c'est qu'une personne va dire, « Ben oui, mais si je le cherche pas, comment je vais faire pour le trouver? » Ben justement, tu sais pas quoi chercher, donc cesse de chercher. C'est justement parce que tu cherches que tu trouves pas. Ben, tu passes ton temps à filtrer et à sélectionner en fonction de ce que tu ne sais pas. Bon, si tu sais pas à quoi ressemble une mécanique, ou on va dire Dieu, ça sert à rien de chercher Dieu. Parce que quand tu vas trouver quelque chose, on va dire « Ah non, c'est pas, il y a un bouton là, c'est pas ça Dieu, tu sais. Ah, trop petit, ah, trop grand, ah, okay. » Puis bon, on cherche. Il y a plusieurs façons d'avoir des contacts avec des mécaniques de divinité. Moi, quand j'ai rencontré Dieu, je n'ai pas rencontré plusieurs fois. J'avais trop des questions particulières, remarque, alors, pour que tu n'avais pas de rendez-vous. Ça, on m'envoyait à Saint-Pierre, à Saint-Paul, puis pas été fort, ça. Tu sais, j'étais arrivé à un moment donné au ciel dans un voyage, puis il y avait Saint-Pierre justement qui était là, puis qui voulait y parler, mais il fallait traverser l'enfer, il y avait une perche, tu sais, tu marches là-dessus pour aller le voir. Mais, tu vois, t'sais. Et puis quand je suis arrivé en même temps qu'une jeune fille qui venait de mourir d'un accident d'auto. Là, Saint-Pierre, il s'en vient, puis là, il me dit, là, j'y parle, puis il me dit, attends un peu, on va voir si on fait traverser la jeune fille ici, voir si ça va au purgatoire, au paradis ou en enfer, après ça, je viens de parler. Alors, il dit à la jeune fille, vous allez traverser la perche ici en me suivant, puis il ne faut pas que vous ayez une seule mauvaise pensée. Fait que la jeune fille a dit OK. Fait que Saint-Pierre embarque sa perche, la fille aussi, puis il marche. Un coup, puis Saint-Pierre est tombé, tu sais. J'ai pas pu aller plus loin, je suis revenu ici. C'est des aventures. Vous savez, c'est absolument phénoménal, hein, tout ce qui peut nous arriver quand on voyage en astral, puis qu'on va fouiller un peu ailleurs. Moi, je suis allé. On va passer par Saint-Paul. Je suis allé, j'aurais pas tombé, certain. J'aurais même pas embarqué sur la perche. Ah, ben, je t'ai pas embarqué non plus. Moi, là, je l'ai jasé ici, mais là, il fallait reconduire la fille, puis tomber. Fait que c'est ça. Bon. Alors, puis tout à l'heure, on parle de Pierre, là-bas. On parle plus de Saint-Pierre, tu sais. Ouais. Parti un niveau. Pierre tombale. C'est ça. Pierre à feu, là-bas, Pierre à feu. Bon, donc, si on continuait dans la même domaine, la première fois, j'étais très, très, très jeune, j'ai envoyé promener tout ce qui existait comme divinité, et puis j'ai exigé de lui voir la face, et puis à un moment donné, rapidement, subitement, j'étais dans un état particulier, et toutes mes cellules maudissaient tout ce qui pouvait être divin, parce qu'il y a rien que la stupidité de la planète Terre, puis moi, les dieux qui apparemment t'aident, mais c'est toujours des promesses de politiciens, tu sais, rien qu'entre toi, 300 000 fois, ou ben non, quand tu seras au paradis, si tu as réussi à faire la planète Terre, ben, on va tout faire pour que tu manques ton coup, là, tu sais. J'étais bien suspect. Et puis, à un moment donné, ben là, j'ai vu effectivement une immense, immense, immense face descendre, apparaître, m'arriver en plein, coller quasiment année à année. Je l'ai vu avec mes yeux physiques, mais avec ma tête surtout, donc c'est plus mon cerveau. C'était immense, bien plus grand que la ville de Montréal-Nord au complet où je restais. C'est arrivé deux fois, extrêmement puissant, implacable, dans le sens « j'existe, mon oui, puis tu vas y croire ». J'y ai cru. Une semaine après, là, c'était pas mal diminué. Puis deux semaines après, j'y croyais toujours plus. Ce qu'on doit comprendre, c'est que... Tu n'as pas de mémoire ou t'es... Non, non, j'avais une bonne mémoire. Ouais, pas impressionnable. Je ne lisais pas dans ça. L'ordinateur réveillait en arrière. Puis, ce qu'on doit comprendre, c'est que... Et ça, ça fait partie de l'évolution de l'ascension. C'est que vous devez rencontrer le plus grand des maîtres. Alors, à un moment donné, vous le rencontrez. Puis une fois que vous l'avez rencontré, vous faites quoi? Vous devenez son disciple, vous vous asseyez sur vos fesses, puis vous vous dites, ça y est, j'ai réussi. Il y a quelqu'un d'autre un jour qui arrive, qui rencontre le même maître. Puis il les remet en question. Puis là, vous, le disciple, vous dites à la personne, mais alors, qu'est-ce que tu fais là? T'es bien niaiseux. Puis là, vous devenez maintenant un protecteur du maître. Puis l'autre, il le remet quand même en question. Il va dire, oui, il y a des choses, c'est correct, mais des affaires qu'il n'a pas dû comprendre. Pourquoi tu dis ça? Puis là, tu commences à parler, puis en parlant, tu expliques et tu prouves que... On ne parle pas d'une question d'ego, là. Ah, parce que... c'est pas ça du tout. Puis à un moment donné, ben là, tu finis par t'en aller, puis le maître en question te reçoit, puis il dit, écoute, effectivement, il y a une porte en arrière là-bas, puis continue. Moi, je suis simplement le premier maître. Ah, ben pourquoi tu te fais passer pour le maître suprême? Ben parce que c'est mon rôle de me faire passer pour le maître suprême. Pour que les humains qui ne recherchent pas réellement quelque chose qu'ils vont trouver chez eux, pour que les humains qui ne recherchent pas réellement le maître suprême s'arrêtent ici, comme ça ils n'iront pas déranger le maître suprême. C'est un processus d'élimination? Non, c'est pas un processus d'élimination, c'est un processus de purification. Alors, on n'élimine pas les individus qui ne sont pas prêts. On les garde dans un cadre où ils vont continuer à se préparer. Donc, ce n'est pas un processus d'élimination. Okay. Encore une vision bien typique de l'humain. Si on c'est une phase de purgatoire. Le purgatoire. Exactement, on va purifier ce qu'ils font simplement. On leur laisse le temps d'eux. Bon. Alors, à un moment donné, ben là, il y a une personne qui se dit, comment ça se fait? Il est rendu où, l'autre? Il s'en est retourné. Puis là, certains vont subitement apprendre qu'il ne s'en est pas retourné, il est passé. Mais il est passé où? Ah, oh, ben peut-être que finalement, le maître l'a convaincu, puis il est rentré, puis maintenant, il sert le maître plus près, tu sais, tu continues à servir dehors. Et de maître en maître, à chaque fois que tu penses avoir trouvé le bon, il se passe des choses. Et ce n'est pas une question d'intellectualisation. Ce Dieu-là, je l'ai refusé parce que ça ne pouvait pas aller avec ce que j'étais moi. Et non pas avec ce que je voulais de Dieu. Et la nuance, elle est là. Alors, j'ai donc continué à travailler tout en continuant à pas rechercher Dieu, mais en continuant à me poser des questions en voulant développer des choses. Pendant longtemps, j'ai lu des livres qui me disaient que Dieu habitait l'humain. Ben, Dieu devait être laissé à le crotter en tabarnouche, puis il mangeait du sucre en saint, en voyant. Puis, fait que finalement, ce Dieu-là, c'était pas génial. Un jour, on me dit Dieu est dans le ciel, puis moi, j'en ai déduit que les oiseaux devraient être pas mal plus évolués que nous autres. Ils sont plus proches, en tout cas. Oui. Puis Dieu est dans l'homme, ben ce qu'on mange va évoluer en tabarnouche. Hein, si Dieu est dans l'homme, mais moi, je suis l'homme. Fait comment on rejoint Dieu? S'il est dans le ciel, je ne suis pas capable. S'il est à l'intérieur de moi, je fais quoi? Alors, c'est facile de se dire, ben on est des dieux. C'est très facile. Maintenant, ça ne sert à rien. Alors, un jour, j'ai été en forêt, et puis là, j'ai exigé de rencontrer Dieu. Alors, j'ai commencé à crier. C'était l'hiver, c'était la nuit. J'étais relativement jeune, puis j'ai commencé à l'appeler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des inhibitions marquées chez moi. C'est-à-dire que tu es tout seul en plein bois, il est minuit ou une heure du matin, la nuit. Tu es loin, loin, loin, loin de tout ce qui peut habiter. Et là, je n'ai pas peur de me faire attaquer par Dieu. Je n'ai pas peur de me faire attaquer par Satan. Non. Tu viens pour crier « Dieu, ben fort! » Et puis tu te rends compte que tu as peur d'être entendu par d'autres. C'était pas dangereux, c'était pas dangereux que je t'entende, en tout cas, parce qu'à noirceur, à minuit, moi, je t'ai pas sorti. Ah non, toi, mais l'idée, c'était que, finalement, l'humain est beaucoup plus barré. C'est par ses propres oreilles, c'est par nos oreilles qu'on n'a pas d'entendre. Exact. Qu'est-ce qu'on a dit. Exactement, comme si là, j'allais réveiller des mémoires millénaires qui sont endormies, qui sont figées, qui ne doivent pas être réveillées. Une puissance que j'ai chez moi, quelque chose, il y a quelque chose là qui brime, qui veut pas. Et là, j'observe la forêt, j'essaye de percevoir du mal, hein, parce qu'il faut bien s'amuser un peu, tu sais, quand t'es jeune, et je n'en vois pas. Ah, je vois bien des petites affaires quelque part. Et là, je veux recommencer à crier, et puis là, je me rends compte que le combat doit se faire chez moi, bien avant d'être fait à l'extérieur. J'ai peur que quelqu'un caché m'entende et me trouve niaiseux. Et là, on en parle régulièrement, c'est le plus gros frein évolutif de l'humain, c'est le fait qu'il n'est pas capable de s'accepter tel qu'il est, donc qu'il ne s'aime pas. Et je ne connais présentement personne sur la Terre qui s'aime comme il doit s'aimer. J'ai dit dernièrement que ce que le Nazaréen avait enseigné, il fallait l'appliquer à l'inverse. Alors, aime les autres comme toi-même, c'est faux. Aime-toi toi-même. Bon, on disait ne juge pas de peur d'être jugé. On revient encore, ne juge pas parce qu'un jour tu te jugeras. On doit appliquer les choses qui ont été communiquées paraboliquement à l'inverse vers soi. Alors, je recommence et puis je décide d'appeler Satan. Et je découvre que ça s'appelle. J'ai beaucoup moins de problèmes à crier après Satan que de parler pour appeler Dieu. J'ai l'impression que personne ne m'entend si j'appelle Satan, mais j'ai l'impression qu'ils sont 25-30 à l'affût si j'appelle Dieu. Il faut être épais, être dans le bois et appeler Dieu. Il faut être épais. C'est des mécaniques qui sont plantées chez l'humain. Qu'est-ce qui fait ça qu'on c'est plus facile d'appeler Satan? Parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose dans nous autres qui est plus puissant que Satan, puis ça fait moins peur? Satan est beaucoup plus près de la matière que les divinités, ce qui fait que pour la majorité des personnes ici, en pleine forêt, si j'appelle Satan, vous ne penserez pas que je niaise. Vous allez me dire, hey, ça, ils ont niaisé. Mais pas dans le même sens. Non, je suis sûr que vous ne penserez pas ça. Les gens vont me dire, hey, écoute, ils vont tout avoir peur tout de suite. Fait que s'il y en a qui m'écoutent, ils savent que je suis sérieux. Mais si j'appelle Dieu, il n'y a pas un qui a peur. Il n'y a pas un qui ne vit rien. Là, ils ont toute l'impression que tu es un imbécile en train de triper sur tu sais pas quoi. Surtout que moi, j'ai des mémoires où j'ai déjà, dans le passé, où j'ai déjà eu des affaires, des expériences qui ont viré un petit peu croche. Bon. Alors là, je recommence donc, et puis finalement, je finis par être capable de sortir les mots Satan, puis j'écris, puis bon, ça tend l'atmosphère, ça devient très, très, très stressé autour de moi. Et c'est bien. Puis là, je me demandais justement si j'aurais peut-être dû m'amener un crucifix, tu sais. Je sais pas. J'ai vu Satan arriver, puis son regard, jamais je l'aurais crucifié, tu sais. Crucifix, en réalité. Je ne vois pas. Tu sens une enveloppe noire, tu es totalement étranglé, ça va bien. Là, je commence à avoir peur de ce que j'ai suscité. Ressuscité. Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, c'est le temps d'appeler Dieu. À la rescousse. Là, ça, il fait noir là-dedans. Là. Et là, j'ai pour appeler Dieu encore une fois, puis c'est encore la peur d'être écouté par l'humain qui me dérange. T'es entouré de mécaniques sataniques, puis t'as peur que le monde t'entende appeler Dieu. Il n'y a pas de danger s'il y avait quelqu'un, il n'est plus là. Je sais. Mais là, ce que je veux, vous comprenez bien, c'est que la majorité de tout ce qui empêche l'humain d'avancer, je l'ai expérimenté suffisamment, c'est ce qui se passe chez nous. Par autrui. Mais là, tout seul dans le bois, là, on se juge soi-même. C'est pas autrui. On continue à projeter chez autrui. Crime. Je le dis souvent, la majorité des personnes ici, en plein désert du Sahara, seules, n'oseraient pas se mettre nues, de peur d'être vues. Bon. Alors, imagine-toi, en plus, dans le désert, commencer pas à chanter Dieu ou à faire comme si tu niaisais. Parce que l'humain va préférer faire le tata en appelant Dieu, au cas que si quelqu'un le voit, le monde, ils savent que c'est un tata. Ça. Au lieu d'être un sérieux, que les gens verraient tata. C'est bien tata lui-même. Imaginez les Dupont. Vous connaissez? Alors, ils ont été sur la Lune, à un moment donné, parce que ça n'a pas fait la différence entre 14h et 12h du matin. Bon. Alors, ils se ramassent sur la Lune, et puis là, à un moment donné, ils se mettent à danser, parce que ça ne pèse rien, hein, 6 fois moins. Puis, ils arrêtent en se disant, hey, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Ben, d'un coup, s'il y a des gens qui nous voyaient, ben, ils sont sur la Lune. C'est typique de l'humain. Ben, l'humain, il ferait la même chose ici. On parle d'évolution. Imaginez comment que c'est. Vous vivez en famille, peut-être? Hein? Il y en a encore certains qui vivent en famille. Bon. Et là, vous décidez, matin, de vous coucher à côté de votre lit, puis de vous étirer comme il faut, là, puis de faire un mouvement ou deux, puis là, vous attendez quelqu'un qui approche de la chambre. Tout de suite, c'est assis sur le bas du lit. Même si, dans la famille, on est d'accord pour se conscientiser, puis pour évoluer, on le fait en se cachant mutuellement de qui? On a peur d'être vu. Alors imaginez, quand on va commencer à bouger des forces plus puissantes, qu'on parle légendairement dans le passé, alors donc c'est de la légende, c'est pas là pour qu'on l'essaye, c'est pas là pour qu'on y croit, c'est là pour qu'on en parle. Très bon. Imaginez, on parle de télépathie, à un moment donné, on fait un exercice, quelqu'un rentre, on arrête tout de suite dans la majorité des cas. Puis, on va dire, non, moi, la télépathie, je continue. Oui, mais il y a bien d'autres choses que vous arrêtez quand quelqu'un rentre. Alors, ça, c'est une problématique majeure. Bon. Alors, moi, je commence à appeler Dieu, puis là, il y a eu des réactions intéressantes. Il s'est mis à faire clair dans la forêt. Pas clair comme présentement, mais clair suffisamment pour que si j'aurais à courir en me sauvant, là, n'eût été de la neige, je ne me serais pas frappé sur rien. Ça, c'est clair. Quand je rappelle Satan, ça redevient immédiatement aussi noir. Quand je reparle à Dieu, ça redevient immédiatement aussi clair, ce qui fait que n'importe quel imbécile d'humain aurait dû se rendre compte sur là que c'est sa parole qui contrôle les choses. Alors, j'exige qu'il neige, se manéger, j'exige que ça cesse immédiatement, puis ça a duré peut-être une bonne heure et demie comme ça. J'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à quoi? J'ai parlé à mon père. J'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans, peut-être 16, j'étais jeune. J'étais encore jeune, mais j'étais plus jeune. Alors, je veux savoir qui je suis. C'est fondamental. Moi, réussir à l'école ou réussir n'importe quoi, alors que tu ne sais même pas ce que tu es venu foutre, puis que tu ne sais même pas ce qui se passe, puis rien, ça ne m'a jamais motivé. Ça m'a occupé, puis ça m'a distrait. C'est vrai que ça m'a permis de ne pas me suicider trop vite. Alors, j'exige de savoir qui je suis. Ça, là, c'est très dangereux, ça, d'exiger ça. C'est dangereux d'avoir une réponse. Voilà. Alors, subitement, ça parlait. C'était clair, net et précis de ce que j'étais. Moi, j'étais, depuis le très, très, très, très jeune, j'étais sûr d'avoir connu le Nazaréen. Alors, je pensais que peut-être j'étais un des fils de Jésus. Et on se réincarne à travers le temps. Et c'est un gros problème, ça, parce que, tiens, un autre cave qui se prend pour X, Y, Z. Déjà, ça suffisait chez moi pour m'inhiber totalement. T'es rien, bouge pas. Et là, je pose la question, je veux savoir, suis-je un des fils de Jésus? Et la réponse qu'on va me donner carrément, c'est que non, tu n'es pas le fils de Jésus. Tu réincarnes Jésus, mais pas le Nazaréen. Tu réincarnes l'enfant, Jésus, avant le contact. Alors ça ne m'a pas plu du tout. Parce que lui, il est mort crucifié, puis je savais que normalement, ça recommence toujours de cycle en cycle. Puis il était bien heureux à l'époque, mais pas Jésus. Jésus broyait sur la croix. C'est lui qui disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, il a même eu l'idée. Alors, ce qui arrive, c'est que là, je demande à ce Dieu-là, mon Père, parce que là, c'est, je me sens comme plus prêt, tu sais. Alors là, mais là, je n'ai plus peur que personne ne m'écoute. Là, je suis totalement en train de jaser dans la forêt. Il fait très chaud, même si c'est, on est rendu à 1h du matin l'hiver. Moi, je suis bien, totalement bien. Et là, en posant des questions, je lui demande, fais-moi voir mon avenir. Je veux savoir, tu sais, tu meurs comment, tu sais, je veux savoir, moi, je m'en vais où. Ça, c'est une autre question à pas poser. Ah, ça, c'est terrible. Et là, ce que ça me donne comme avenir, simplement, à l'époque, ce qui est la vision que j'ai, c'est qu'il y a des millions et des millions d'êtres humains qui sont debout, qui sont collés, qui sont, certains sont à genoux, d'autres sont debout, il y en a qui sont assis, sont heureux, c'est absolument extraordinaire. C'est comme une immense société, ils sont parfaitement heureux. Puis moi, je marche dans les airs, je flotte au-dessus d'eux autres, puis je broye comme un bon. Et la souffrance que j'ai vue là, que j'ai perçue dans le bois, c'est quand tu parles avec Dieu, c'est pas juste allô, allô, bonjour, comment ça, tu te sens tout au complet. C'est sur tous les niveaux que ça se fait. Alors, j'ai été téléporté, projeté dans cette mécanique-là, et là, ce que le gars qui marchait en haut vivait, je l'ai vécu. De cet âge-là, aller jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai tout fait pour refuser totalement cet avenir, la possibilité de réincarner, de devoir digérer les mémoires de Jésus, de A à Z. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené un paquet de problèmes à travers le temps, jusqu'à l'âge de 33 ans. Parce que là, quand tu en parles aujourd'hui, ça s'entend et ça s'explique relativement bien, dans le sens bien... Tu n'as pas de difficulté à le communiquer. Non, la différence qu'il y a, c'est que maintenant, ça ne me dérange plus. Mais ça a dû être pénible pendant un certain temps. C'est pas quelque chose de... Bon, qu'est-ce qui a été pénible surtout, c'est qu'il y en a plusieurs que j'ai rencontrés, que j'avais connus dans le passé, qui eux me reconnaissaient. Il fallait que je leur explique qu'ils se trompaient. Puis eux, ils savaient bien que je mentais. Fait que c'était bien compliqué. Après ça, ben, je leur expliquais pas qu'ils se trompaient, sauf que je faisais tout pour qu'on... Bon, je n'en parlais pas trop. Et chaque fois que quelqu'un voulait en parler plus près, c'était des souffrances atroces. J'avais rencontré effectivement une divinité qui m'avait expliqué certaines choses. Et par la, à cet âge-là, j'avais cet âge-là. Quand j'ai travaillé pour Urgence Santé, puis dans ton ambulance, tu commences à prendre des patients qui sont très malades, pour rendre à l'hôpital, ils n'ont plus besoin d'aller à l'hôpital. Là, il faut que tu dises aux patients, écoutez, dites-leur quand même que vous avez mal là, tu sais, comme au départ de la maison, parce que le patient s'est amélioré dans l'ambulance, plus qu'à l'hôpital. Tu finis par démissionner, tu n'es plus ambulancier, tu abandonnes ça. J'ai travaillé à Sainte-Justine, puis à un moment donné, il se passait des choses que je n'aimais pas. Bon, il y a... Que tu n'aimais pas égoïquement, mais qui n'était pas néfaste. Oui. Tu sais, quand tu travailles avec un jeune qui est plus ou moins handicapé, sa colonne est tout croche, alors il met des anneaux, on visse des vis dans la tête pour tenir le crâne avec un anneau de métal, après les genoux, pour on l'étire. Alors, il passe un an et demi à Sainte-Justine, ses parents restent en Gaspésie, donc ils viennent le voir très peu. Et puis, à un moment donné, il retourne chez lui. Moi, je cesse d'aller à l'hôpital. Je tenais de travailler là pour un bout de temps. Dans la nuit, à un moment donné, ben, il vient te parler. Il dit qu'il est rendu à l'hôpital, puis t'attend. Puis il y a que toi qui veux voir. Le dimanche, dans la semaine, je vais faire un tour là. Le salaud, il est rentré, puis il est rentré la journée qu'il me disait que. Et puis, à un moment donné, là-bas, quand il y a des enfants qui ont des problèmes majeurs, c'est moi qu'on appelle. Alors, en tout cas, moi, je t'ai rendu, je faisais du 7 jours sur 7 là-bas. Et puis, trop de trucs particuliers que je sentais s'approcher de moi que je ne voulais pas. Alors, tu fuis. Ça, c'était, j'avais 18 ans, de 18 à 20 ans. Et puis, j'ai enseigné, en tout cas, j'ai changé de métier sans arrêt. Chaque fois que ça commence à être pénible, comme quand j'étais technicien médical d'urgence, je démissionnais une fois par année. Bon, je prenais des vacances. Et après ça, ben là, ça me manquait. J'aimais le travail. Je revenais avec un nouveau préposé, un nouveau complice pour travailler. Puis après un laps de temps, ben l'autre, il devenait plus humain, il devenait plus médical, il devenait plus doux, puis les patients étaient, en tout cas, c'était bien compliqué. Alors, à un moment donné, on m'a suggéré de faire des conférences. Comme je n'étais pas conférencier, puis je n'étais pas bon comme conférencier, je trouvais que ça n'allait pas être intéressant. Alors, j'ai laissé le domaine médical d'urgence, j'ai commencé à faire des conférences, et puis, encore une fois, ça a recommencé lentement à virer tout croche au travers. C'est-à-dire que les choses ont fonctionné. Et puis... Ça, c'est toujours tout croche, tout travers pour l'ego qui refuse d'être celui qu'il est. C'est ça. Et j'ai un intérêt évident à finir par accepter d'être ce que je suis, mais je ne suis pas les mémoires du passé. On les digère, ça. Donc, l'avenir que j'ai vu, c'est pas l'avenir que je vais avoir, c'est l'avenir que j'ai ou que je vais avoir si je ne finis pas par accepter les choses. Je rencontre Dieu, là. Bon. À un moment donné, j'ai rencontré Dieu ailleurs. C'est un petit orieux. Par délégation, ça c'est, il n'y a pas tellement longtemps, où je vous expliquais qu'il y a des prophéties, il y en a plusieurs qui sont accolées à moi, et que toutes les prophéties que j'ai faites pour éviter, je n'ai jamais pu les éviter. Alors, il y en a une que je n'ai pas parlé, qui était celle qu'à un moment donné, en 85, je reviendrai d'un voyage, en 86, j'aurais des problèmes intestinaux qui seraient sévères. Alors, je consulterai le domaine médical, puis suite à un accident majeur, je devrais passer au couteau, j'aurai une opération majeure, et j'aurai plusieurs mois de convalescence avec d'autres opérations par la suite, plus une deuxième erreur médicale pendant l'opération, j'aurai une embolie. Bref, j'ai tout vu. Alors, en 86, je n'ai pas été à l'hôpital. En 87 non plus, 88, 89, 90, puis 91, seulement j'y étais. Ils m'ont pas manqué. Bon. Alors, dans un examen banal, ils m'ont perforé le côlon. Et puis, finalement, j'avais du barium plein le côlon, j'avais de l'infection majeure, puis j'avais un trou dans le côlon. Ce qui fait que le chirurgien en chef voulait m'opérer d'urgence tout de suite. J'ai réussi à leur expliquer qu'il fallait qu'ils me donnent la nuit, parce que je travaillerais, enfin, je ne sais pas parce que je travaillerais sur moi, je leur ai dit, donnez-moi des antibiotiques massifs, puis laissez-les faire, ça. Alors, pendant la nuit, j'étais encore entré en contact avec. Là, je me suis dit, écoute, le petit père que j'ai rencontré dans le bois, c'est peut-être temps qu'on recommence à voir si pas trop tard. J'aimerais ça te parler. Alors, manquant d'énergie, je n'ai pas pu, mais il y a quelqu'un qui a réuni des personnes du groupe des chefs. Eux ont été capables d'appliquer certaines techniques qu'ils connaissent. Puis finalement, j'ai eu suffisamment d'énergie pour être propulsé, pour aller assez loin. Et là, c'est la dernière fois, donc ça fait à peu près un mois et demi, deux mois, j'ai réussi à entrer en contact avec. Et là, encore une fois, les personnes, ils se disent, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ça ressemble à ce que tu veux que ça ressemble. C'est vraiment pas compliqué. Et puis là, on a recommencé à parler. Et il m'a expliqué clairement, puis c'est moi qui me l'explique finalement. C'est toutes des mécaniques qui, dans la subtilité, sont difficiles à comprendre. Mais ça ne peut pas être moi tel que je suis. Mais je sais très bien que quand j'entre en contact, ça reste que c'est moi qui finalement crée le contact. C'est un atium. Exact. Alors l'idée simple, c'est que j'ai toujours voulu exprimer ta volonté, mais ta volonté a toujours été débile. Et puis là, je suis totalement à la merci des chirurgiens du 20e siècle. Ça ne me plaît pas. J'en ai pour plusieurs mois. J'ai un ego, moi, que quand il n'y a rien à faire, ben, il cesse de lutter. Donc, ça ne le dérange pas. Alors, je lui explique que j'ai rien à apprendre comme ça. Parce que si, par exemple, j'ai une crevaison en plein milieu du Bangladesh, puis il n'y a rien à faire, je ne chialerai pas. C'est fini, c'est comme ça. Que ce soit mon corps physique, que ce soit n'importe quoi, ça ne me dérange pas. En plus, il y avait des grosses possibilités que je meure carrément pendant l'opération parce que j'avais vu plein de choses. Ça ne me dérangeait pas. Tout ce que je lui ai dit, écoute, laisse-moi le temps d'expliquer à ma gang que je ne suis pas mort. Parce que même s'ils le savent, ils le savent jamais assez. Parce que j'ai vu que moi, si tout est organisé, c'est correct, c'est réglé, ça va bien. Si le corps physique s'en va là, c'est parfait. Sauf que c'est pas ça. Alors, j'ai jasé avec lui, puis finalement, la seule chose claire, c'était comment on peut faire pour faire la volonté, la volonté pure de ce que nous sommes, nous, avant d'être humains. On pourrait dire la volonté de Dieu, la volonté du Père. Comment on fait pour savoir que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? C'est très simple. À peu près infaisable par un humain. Mais très simple. C'est quoi? C'est ce qu'il m'a expliqué. On n'a pas dû m'ouvrir la bouche. C'est très, très, très, très, très simple. Et après ça, je me suis fait expérimenter. Peux-tu nous le dire? Oui. Tu comptes l'histoire comme ma mère. Alors, je me dis simplement, bon, est-ce que je dois boire de l'eau pure? M'occuper un peu mieux de ma santé? Est-ce que c'est ta volonté? Pas de réponse. Tu es habitué. Yo, ça va là? Bon, c'est quoi faire la volonté du Père? C'est-tu de faire des conférences? Moi, ça c'est d'en faire. Pas de réponse. En faire plus? Pas de réponse. Ben, écrire des livres sur des affaires? Pas de réponse. C'est quoi, bordel? Pas de réponse. Puis là, finalement, il y a une petite affaire qui apparaît lentement, qui... Tu le sais? Puis là, moi, je réponds ça souvent, puis je sais que ça se fait ce monde. Hein? Ah là, je t'ai fait ça dans mon lit, ça m'a rendu ici. Tu semblais d'assister à une de tes conférences. C'est assez. La période de questions. Mais là, je le sais que je le sais. Mais là, j'ai tellement d'affaires. Mais là, je ne sais pas. C'est quoi dans ce que je sais là, qu'il faut que je fasse? Ouais. Puis, ben, c'est sûr que je le sais. Puis en même temps, ben là, si je le sais, je commence à fouiller clairement, puis je le sais, puis je le sais. Égoïquement, c'est chiant, maudit, par exemple, quelque chose. Ah, bien pire que ça. C'est pire. Surtout quand tu peux mourir ou te faire opérer. Tu sais, écoute, il faut que j'aie compris. Ou te marier. Avant demain matin. Non, ça, c'est moins pire, ça. Il faut que j'aie compris avant demain matin. Et la réponse est extrêmement simple. C'est que chaque fois que tu vas être sûr que tu dois faire une chose, puis que tu te rends compte que tu ne peux pas la faire, bien, c'est ma volonté. Qu'elle soit faite ou pas faite? Que tu fasses. Quand tu es inhibé à faire quelque chose, quand c'est bloqué? Puis ça regarde moi. Donc, c'est pas tous les humains qui peuvent déjà appliquer l'idée. Tout le monde ne peut pas faire la volonté de lui-même ou de son père. Tout le monde ne peut pas tout de suite. Mais ça devient simple. Alors, le lendemain matin, totalement guéri, c'est-à-dire la fièvre est tombée, les globules blancs sont venus à la normale, on ne m'opère plus, etc. Tu es parfait. Bon, mais on me garde à l'hôpital parce qu'ils ne croyaient pas à rien. Bon. Là, c'est les médecins qui sont ces antibiotiques. Il y a un prêtre qui rentre dans l'église, ouais, c'est ça. Non, ça, c'est l'alcool. Il y a un prêtre qui rentre dans la chambre. Elle voit venir, là, lui, là. Et on est deux, tu sais, à côté, il y en a un qui se vantait qu'on y avait ôté le vésicule biliaire. Puis moi, je lisais un livre justement qui disait qu'une ablation de vesicules biliaires sur deux au Canada était inutile. Je n'ai pas pensé le livre. Oh non, les médecins ont dit que ça ne servait à rien. Moi, je vais manger comme avant, vivre comme avant. Oh oui. Sauf que tu as des cancers que tu n'aurais pas eu. Ça sert à quelque chose. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Le prêtre rentre, puis il dit mon fils à l'autre, voulez-vous communier? Ah, il dit oui. Ah, sainte. Il n'a pas pu dire non. Elle vient me voir. Mon fils, comment ça va? Vous êtes nouveau ici? Oui, je suis nouveau ici, mais c'est parce que l'idée, c'est que ce que je sais de ce que je sais de ce que je sais, comparativement à ce que le prêtre sait, ben vous savez que c'est formidablement génial que de rencontrer quelqu'un qu'on pense inférieur, puis finalement d'arriver à s'en servir pour ce qu'il est. Alors je me dis, bon ben, s'il me demande, veux-tu nous communier, il va dire oui, tu sais, ça va éviter les obstinations. Et... Les obstinations. Ah ben oui, les obstinations. Alors, et, mon fils, voulez-vous communier? Puis là, je viens pour dire oui, puis en même temps, ben là, je suis sûr que je devrais expérimenter de le dire non. Puis oui, je suis capable de le dire, non, je ne suis pas capable de le dire. Puis là, en dedans, ça me dit, Daniel, tu as intérêt à dire non. Pas pour le prêtre. Je ne peux pas dire non. Je dis non. C'est pour l'initié, lui. Développe ce qui se passe là. Non? Puis j'ai dit non, merci. Puis ah, pas de problème, mon fils, écoute bien. Mais combien tu penses qu'il y en a qui disent non? C'est toujours ça. On est toujours mal pris avec les autres. C'est faux. On a intérêt. Et là, je lui dis non, il dit merci, il n'y a pas de problème, mon fils. Je vais quand même prier pour votre guérison. Là, je me suis dit, merci. Vous êtes extrêmement aimable, j'en ai un vital besoin. Tu sais, tu prends tout ce qui passe. Mais là, la vision que j'ai du prêtre, c'est que le bonhomme, lui, il est au summum de ce qu'il peut être, puis il fait purement et simplement... Si moi, au summum de ce que je suis, je ferais aussi purement et simplement ce qu'il fait, ben il y en a un maudit paquet sur la planète qui n'aurait pas de problème qu'ils ont là. Et moi y compris. Lui, il n'est pas pogné par un paquet de stéréotypes. On va dire, oui, mais c'est parce que on peut juger comme on veut. Tu sais, quand tu es rendu à un niveau, tu peux juger à la baisse n'importe quoi. Oh, il n'y a pas de conscience, il ne comprend rien, on peut faire ce qu'on veut. Mais la pureté, la beauté, elle transparaît autant chez l'ignorant, s'il est pur, chez le mendiant, s'il est pur, que chez le milliardaire, s'il est pur. Puis ça, c'est une mécanique, la divinité de l'humain est placée là, elle n'est pas placée dans sa conscience. Seule la pureté va développer la conscience, puis la conscience, c'est ce qui va permettre de rendre beaucoup plus efficaces des mécaniques d'intervention pour permettre à toute la structure créationnelle d'être sauvée. Mais là, je m'éloigne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre curé s'en va. Là, je me dis donc, la prochaine fois qu'il me le demande, ça va être oui. Parce que si j'étais capable de dire non maintenant, il faut que je puisse dire oui. Il y a un paquet de choses comme ça. À un moment donné, j'écoute la télévision la même journée. Là, on me testait à Dieu, il me testait en tabarnouche. Là, je vois un télévangéliste qui est en train de jaser, qui change de poste. Puis là-dedans, je sais, pas samedi, je sais que je dois revenir à ce poste-là. Avance un autre poste. Il faut que je reviens sur mon télévangéliste, puis je commence à l'écouter. Puis là, ce qu'il dit, là, ben, je suis arrivé à temps. T'as écouté ce qu'il fallait que t'entends? Oui, il dit, et là, Jésus-Christ, le Christ, s'en alla à Bethsémani, et là, il demande, prit trois apôtres avec lui, et il les amena sur le pied d'une montagne, et il dit à ces trois apôtres, veillez avec moi. Il monta sur la montagne, et là, il s'agenouilla et pria son Père. Et il dit, « Père, si tu veux, si telle est ta volonté, ôte de moi cette coupe. » Ça, c'était la veille qu'il se fasse ramasser, qu'il se fasse arrêter, puis après ça, on va le crucifier. « Mais je veux que ta volonté soit faite et non la mienne. » Là, il redescend, puis il voit trois nouilles qui dorment. Mais c'est pas ça que dit le télévangéliste. Il descend, puis il voit la pauvre. Et il découvre ses trois disciples. Alors, il les réveille et leur dit, « N'êtes-vous pas capable de veiller une heure avec moi? Veillez et priez! » Il remonte en haut. Là, il recommence, il demande au Père d'éloigner la coupe. Là, je comprenais une chose. Si le Nazaréen demandait trois fois au Père d'éloigner la coupe, c'est que la coupe ne lui était pas destinée. A-t-il réussi à parler au Père? Avait-il l'énergie pour rentrer en contact avec son Père? Non. Il y avait besoin d'énergie de trois mecs en bas. Puis eux dormaient à chaque fois. Puis là, l'évangéliste, il en parle, il explique trois fois de fil. Le Jésus descend en bas, il réveille sa gang, il remonte en haut. La troisième fois, il redemande, il redescend, il dorme encore, puis il sait maintenant qu'il n'y a rien à faire. Puis moi, cette nuit-là, là, je me rends compte que j'étais sur la civière, en chirurgie. Puis que là, subitement, ben, il y a un paquet de personnes qui se sont levées la nuit. À 1h du matin, on fait un travail, puis j'ai réussi à rentrer en contact. Il aurait fallu que Marie-Madeleine, à l'époque, s'occupe de ses apôtres. Il aurait fallu, à un moment donné, que même si c'était Jésus-Christ, que ses amis servent d'amis. Il n'a pas pu rentrer en contact. Ben, il s'est fait ramasser, quoi. On va dire que c'était essentiel, c'est vrai que c'était essentiel, c'est pour ça qu'on n'a pas pu réécrire, c'est pour ça que les trois mecs dormaient tout le temps. Mais à l'époque, les apôtres n'avaient pas d'énergie pour rester réveillés non plus. Non. C'est pas une question nécessairement égoïque. Exactement. De leur part de ne pas vouloir aider. Ben, imaginez, vous auriez été là-bas, Jésus vient vous voir, vous êtes son meilleur ami, vous savez que c'est un Dieu, vous l'avez vu marcher sur l'eau, apaiser la tempête, guérir plein de monde, il vous demande de veiller 1 heure, vous dormez. Ah, il redescend, il dit, écoutez, réveillez-vous, puis restez là, là. 1 heure, OK? Je remonte en haut. Faut dormir encore. 3 fois de fil. Après ça, on chiale contre Judas, puis on chiale contre Pierre. Hein? Alors, ce que, bon, tu sais, mais l'idée, simplement, c'est que par la suite, donc, la rencontre avec Dieu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'à un moment donné, les parcelles qu'on a, fait que j'avais chez moi, que l'humain a aussi, mais chacun, parce qu'il y a des hiérarchies, c'est-à-dire au niveau de la puissance du contact. Tout ça pour en arriver à comprendre qu'il y a des particularités que tu as chez toi qui sont au niveau du savoir, qui sont au niveau du mental, au niveau de la compréhension, donc de la mémoire, qui ne sont pas au niveau du vivant. C'est pas exprimé. Qu'est-ce que c'est que rencontrer Dieu? C'est être capable de le laisser s'exprimer à travers toi. On ne rencontre pas avec les yeux, on rencontre avec le cerveau. Mais le cerveau doit la mécanique ou Dieu ou le Père doit baigner dans l'humain. Mais pour baigner dans l'humain, il faut que tu le laisses passer, il faut que tu le laisses couler. Donc, il faut déjà une dose de transparence, une dose d'humilité. Est-ce qu'il faut absolument être affaibli, comme dans l'exemple que tu donnes? Dans mon cas, moi, j'ai quand même des structures égoïques qui ne sont pas comme celles de la majorité des humains, mais les parties égoïques que j'ai sont phénoménalement puissantes. En étant totalement malade et totalement amoché, j'ai perdu 15 livres déjà en quelques jours, 3-4 jours, en étant totalement affaibli, l'avantage qu'il y a, c'est que la structure de l'ego n'a plus suffisamment d'énergie en milieu vital pour être capable de supporter ses boucliers. Ce qui fait que tu n'as plus de bouclier. Alors là, quelqu'un serait venu me psychanalyser, puis tout ce qui aurait eu raison, j'aurais accepté. Puis j'ai plus de force pour me défendre. Mentalement, moi, j'étais parfait. Supramentalement, j'étais parfait. Mais l'ego n'était plus capable de maintenir son combat. C'est un avantage. Quand on parle du Nazaréen qui va 40 jours dans le désert, il va là, puis il mange pas, puis il boit presque pas. Uniquement parce qu'à un moment donné, il ne peut plus. Hein? Il est maigre, puis il n'a plus rien à faire, puis il bouffe des sauterelles lui aussi. Mais là, l'ego ne peut plus résister. Bon, le Baptiste a fait la même chose dans le désert. Le Bouddha a fait la même chose. Le jeûne, mais un jeûne qui est total. Moi, j'ai pas le temps de jeûner 40 jours, alors on m'a... J'ai perdu mes livres. C'est un bon jeûne, ça, là. Comprimé. Ah oui, absolument. Et là, effectivement, t'es suffisamment fait pour te dire, ben écoute, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de l'importance à travers tout ce qu'il y a de l'importance ou de l'utilité? Alors, j'ai plongé dans... J'ai fait une descente aux enfers qui fut très intéressante et très fructueuse. J'ai pas fini la mécanique. Il me reste encore des cossins à faire. L'être humain ne rencontrera pas Dieu sur la rue. C'est évident qu'à un moment donné, vous allez rencontrer un corps physique qui exprime ou qui laisse le Dieu ou le Père s'exprimer à travers lui. Mais ça, n'importe quel humain peut le rencontrer, peut le reconnaître. Et c'est des mécaniques qui vont changer des choses. À un moment donné, tu vas te dire, à travers ta vision, une fois que tu as eu, enfin moi, le contact que j'ai eu par la suite est un contact qui, premièrement, à 14, 15, 16 ans, ça l'a confirmé en ajustant une chose que je savais que je ne voulais pas. Vers l'âge de 30 ans, il y a des individus que j'ai rencontrés, que c'est tout du monde qui m'ont connu à cette époque-là et à d'autres époques, puis qui, eux, le savent, même si je ne le dis pas. Et à 33 ans, finalement, j'ai re-rencontré pour pouvoir découvrir que si on lâche prise, moi en tout cas, à travers le passé qui me constitue n'est pas garant de mon avenir. Et j'ai toujours eu peur de mon passé en fonction de l'avenir. Même si je le sais, ça veut dire que je sais plein de choses au niveau du mental, mais au niveau de l'initiation, c'est pas comblé. Alors là, ça fut une initiation par laquelle j'ai eu un contact avec, effectivement, une mécanique divine. Est-ce que quand... Juste on... avant, oui, oui. Je perçois, je vois, ça me dit des choses. Maintenant, si j'ai compris, c'est là que c'est un top historien. Là, il m'a délégué trois phénomènes pour venir m'opérer. On a parlé la semaine dernière des mécaniques archangéliques. Ce qui fait que dans la nuit, j'ai été opéré au côlon, mais par l'intérieur, donc j'ai pas de traces. Le barium, qui est un élément radioactif que j'avais dans le côlon pour l'examen, a été totalement éliminé. L'infection a été réduite. Tout était parfait. Quand on parle de divinité, tu rencontres qui? Il y a l'humain qui va rencontrer Dieu dans son cœur, dans son âme. C'est un Dieu astralisé. C'est un Dieu qui ne peut pas opérer de miracles. En tout cas, il ne peut pas opérer de rares, peut-être des miracles, la moitié des rares. Bon. Mais c'est un Dieu qui, normalement, va permettre à l'humain de se soutenir dans sa souffrance. Mais ça ne réglera pas la souffrance. Quand l'humain est capable d'entrer en contact avec une divinité ou avec Dieu au niveau du plan mental, et même si tu dirais que c'est le même Dieu, et quand tu parles à ses pieds, tu as une réponse de pied. T'as beau dire, j'ai rencontré le vrai Dieu, oui, mais tu parlais avec une longueur d'onde de pied, tu as parlé à ses pieds. Si tu peux le rejoindre au niveau du mental, tu auras des explications qui sont drôlement mieux. Mais ces explications-là ne pourront peut-être pas, et d'ailleurs la majorité des cas, ne pourront pas être absorbées par le corps vital, astral et physique. Donc, ça ne guérira pas plus. Mais là, ça va te permettre de comprendre la mécanique qui sous-tend ce qui t'arrive. Alors que le contact au niveau astral ne te permet pas de comprendre la mécanique qui sous-tend ce qui t'arrive, mais ça te permet de supporter ce qui t'arrive. Alors l'individu qui a un contact mental avec Dieu va comprendre la mécanique, puis va détester la mécanique. L'individu qui a un contact supramental avec Dieu va comprendre la mécanique de ce qui lui arrive, il va comprendre la mécanique de ce qui lui arrive d'une façon cosmologique, donc en voyant le plan global qu'il inclut. Mais il n'aimera pas plus ça. Il n'y a pas un contact astral. C'est l'ego qui déteste. Moi, j'ai eu un contact supramental et bouddhique. Et parce que le corps physique est extrêmement affaibli, ça a été capable de s'assimiler sur d'autres plans. Ce qui fait que là, j'ai eu un contact physique, vital, astral, pas égoïque, astral, mental, supramental et bouddhique avec Dieu, avec mon père. Ce que je n'ai pas eu dans cette vie-ci. C'est la première fois. Et là, automatiquement, tu sais que physiquement, que corporellement, à un moment donné, je rentre dans mon intestin, dans mon gros intestin pour aller voir l'état, puis commencer à régler. Et puis, je leur demande simplement aux trois mecs qui sont venus, « Voulez-vous que je vous aide? » Puis là, on me répond, « Écoute, non, ben, repose-toi à la place, laisse-nous faire. » C'est gênant pas mal, hein? Seigneur, c'est comme si c'était pour une nuit. Ouais. Mais j'aurais probablement nuit. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu apprendre comment ils font. Et là, c'est exactement comme si ma main droite veut apprendre comment ma main gauche dessine alors qu'elle, jamais elle aura dessiné. Fait que t'as pas besoin d'apprendre. Laisse faire l'autre. On va te coucher et on va s'occuper de ça. Exactement. Alors, quand on... Donc, l'humain qui, normalement, va prier, c'est un contact astralisé, et à ce niveau-là, Dieu répond au niveau astralisé. Il ne peut pas répondre plus loin que ça. Et les mémoires de ces contacts-là sont des mémoires qui vont créer les dieux dans le monde astral. Et que ce soit le Dieu dans l'absolu qui vienne parler à un être spirituel fidèle, ou que ce soit la mémoire d'un contact dans un égrégore du monde astral, ça sera la même chose. Il n'y a pas de différence, là. Est-ce que quand on se reconnaît ou on reconnaît Dieu dans notre intérieur, on reconnaît Dieu dans les autres? Est-ce que là, à ce moment-là, on peut dire que Dieu est partout? On peut toujours le dire, mais... Est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Oui, effectivement, moi, j'ai toujours su, sauf que présentement, j'ai des vecteurs différents maintenant. Pour être capable de voir beaucoup plus profondément chez des personnes, chez n'importe quelle personne, que ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, par le biais de leur ajusteur de pensée, je pouvais aller fouiller, puis connaître l'individu, y parler. Comme le dernier séminaire que j'ai fait, l'individu n'a même pas besoin de parler. Bon, je peux passer une heure et demie au début d'un séminaire à expliquer déjà, bon, toi, là, il faut que tu cesses de faire ça, ça, ça, ça. Ça, je parle à une autre personne. Bon, toi, t'as-tu encore tel problème avec, avec celle qui est venue là-bas, là? Ben oui, ouais, ben, tu sais très bien. Puis, tu sais, déjà en partant, je peux jaser avec eux bien avant qu'ils commencent à jouer à ouvrir la trappe. Alors qu'avant, avec quand ils commençaient à parler, leur vibration me permettait d'entrer en contact avec leur ajusteur de pensée. Et là, personne ne peut commencer à travailler. Alors, c'est évident que maintenant que j'ai eu ce dernier contact-là, c'est pas fini, c'est loin de là, surtout que moi, j'ai encore beaucoup à faire chez moi. La vision que j'ai de l'humain en général, elle est beaucoup plus proportionnelle à ce que j'ai toujours su, mais que ça me servait, ça m'a avant, ça me servait à rien de le savoir. Bon, je savais, mais ça finissait là. Maintenant, je sais, mais en même temps, là, je peux, dans la pratique, me servir de ce savoir-là au niveau de l'humain. C'est comme si, quand tu as un contact avec une divinité au niveau de tous tes plans, tu peux descendre ton savoir du point de vue du corps physique en allant jusqu'au plan bouddhique, et tout ça au complet va te servir. Ça crée des problèmes chez un ego qui ne veut pas. C'est qu'à un moment donné, le tourbillon d'événements que j'avais quand j'étais jeune va recommencer dans les temps à venir. Et là, ben, je devrais supporter les autres. On n'a pas parlé de moi, on a parlé du contact avec les divinités. Avec moi comme exemple. Vous avez des questions sur le sujet, des commentaires ou des questions sur n'importe quel sujet, vous écrivez lisiblement parce que sans ça, c'est sûr. Et puis on répond à la deuxième question. Tantôt.